Comme le jour commençait à paraître, un pécheur n'omit pas de faire sa prière, et il ajouta : Seigneur, vous savez que je ne jette pas mes filets plus que 4 fois chaque jour. Je les ai déjà jetés 3 fois, sans avoir tiré le moindre fruit de mon travail. Il ne m'en reste plus qu'une. Je vous supplie de me rendre la mer favorable, comme vous l'avez rendue à Moshé. Le pécheur finit sa prière et jeta ses filets pour la 4e fois. Quand il jugea qu'il devait y avoir du poisson, il les tira comme auparavant, avec assez de peine. Pourtant il n'y en avait pas, mais il y trouva un vase de cuivre jaune, qui à sa pesanteur lui parut plein de quelque chose. Il était fermé, scellé au plomb, avec l'empreinte d'un sceau. Cela le réjouit. Je le vendrai au fondeur, se dit-il, et j'achèterai une mesure de blé avec l'argent que j'en ferai. Il examina le vase de tous les côtés, il le secoua pour voir si ce qui était dedans ferait du bruit, mais il n'entendit rien. Cette circonstance avec l'empreinte du sceau sur le couvercle de plomb lui fit penser qu'il devait être rempli de quelque chose de précieux, et pour s'en éclaircir, il prit son couteau et avec peu de peine, il l'ouvrit. Il pencha l'ouverture contre terre, mais il n'en sortit rien, ce qui le surprit extrêmement. Alors qu'il le posa devant lui et le considérait attentivement, il en sortit une fumée très épaisse, qui l'obligea de faire 3 pas en arrière. Cette fumée s'éleva jusqu'aux nues, et s'étendit sur la mer et sur le rivage, en formant un gros brouillard. Lorsque toute la fumée fut hors du vase, elle se rassembla, et devint un corps solide, qui forma un génie aussi haut que le plus grand de tous les géants. À l'aspect de ce monstre d'une grandeur si démesurée, le pêcheur voulut prendre la fuite, mais il se trouva si troublé et effrayé qu'il ne put marcher. Salomon, s'écria le génie. Le pêcheur n'eut pas sitôt entendu le génie qui le rassura. Esprit superbe. Que dites-vous? Il y a plus de 1800 ans que Salomon, le prophète de Dieu, est mort. Nous sommes présentement à la fin des siècles. Apprenez-moi votre histoire. Pour quel sujet vous étiez renfermé dans ce vase? À ce discours, le génie regarda le pêcheur d'un air fier, et lui répondit. Tu es bien hardi de m'appeler esprit superbe. Parle-moi plus poliment. Eh bien, repartit le pêcheur, vous parlerai-je plus poliment si je vous appelais hibou du bonheur? Je te dis de me parler poliment avant que je te tue, repartit le génie. Et pourquoi me tueriez-vous? Je viens de vous mettre en liberté. L'avez-vous oublié? Non, je m'en souviens. Mais cela ne m'empêchera pas de te faire mourir. Je n'ai qu'une seule grâce à t'accorder. Et quelle est cette grâce? Dit le pécheur. C'est de te laisser choisir la manière de te tuer. Mais en quoi vous ai-je offensé? Est-ce ainsi que vous voulez me récompenser du bien que je vous ai fait? Je ne puis te traiter autrement. Pour t'en persuader, écoute mon histoire. Je suis un de ces rebelles qui se sont opposés à la volonté de Dieu. Tous les autres génies reconnurent le grand Salomon, prophète de Dieu, et se soumirent à lui. Et quand Soliman me vit, il fit une prière de protection contre moi, et m'exhorta d'embrasser la foi, et de me soumettre à lui. Mais je refusai. Pour s'en venger, ce puissant monarque chargea son premier ministre Asaph, fils de Berechia, de venir me prendre. Cela fut exécuté. Asaph vint se saisir de ma personne, et me mena, malgré moi, devant le trône du roi son maître. Salomon, fils de David, me commanda de quitter mon genre de vie, de reconnaître son pouvoir, et me soumettre à ses ordres. Je refusai de lui obéir. J'aimais mieux m'exposer à tout son ressentiment que lui prêter serment de fidélité et de soumission qu'il exigeait de moi. Pour me punir, il m'enferma dans ce vase de cuivre. Et pour s'assurer que je ne puisse pas forcer ma prison, il imprima lui-même sur le couvercle de plomb, son sceau, où le grand nom de Dieu est gravé. Cela fait, Il mit le vase entre les mains d'un des génies, qui lui obéissait, avec l'ordre de me jeter à la mer, ce qui fut exécuté à mon grand regret. Durant le premier siècle de ma prison, je jurais que si quelqu'un m'en délivrerait avant les 100 ans achevés, je le rendrais riche, même après sa mort. Mais le siècle s'écoula et personne ne me rendit cet office. Pendant le deuxième siècle, je fis serment d'ouvrir tous les trésors de la terre à quiconque me mettrait en liberté. Mais j'en fus pas plus heureux. Dans le troisième siècle, je promis de faire de mon libérateur un puissant monarque, et d'être toujours près de lui, et de lui accorder chaque jour 3 demandes de quelque nature qu'elle puisse être. Mais ce siècle se passa comme les 2 autres, et je demeurai toujours dans le même état. Enfin, par le chagrin, ou plutôt la rage, de me voir prisonnier si longtemps, je jurai que si quelqu'un me délivrait par la suite, je le tuerai impitoyablement, et ne lui accorderai pas d'autre grâce, que de lui laisser le choix de la mort, qu'il voudrait que je le fasse mourir. C'est pourquoi, puisque tu es venu ici aujourd'hui et que tu m'as délivré, choisis comment tu veux que je te tue. Ce discours affligea fort le pécheur. Je suis bien malheureux d'être venu en cet endroit, rendre un si grand service à un ingrat. Considérez de grâce votre injustice. Révoquez un serment si peu raisonnable. Pardonnez-moi, et Dieu vous pardonnera de même. Si vous me donnez généreusement la vie, il vous mettra à couvert de tous les attentats qui se formeront contre vos jours. Non. Ta mort est certaine. Choisis seulement comment tu veux que je te fasse mourir. Le pécheur, le voyant résolu de le tuer, en eut une douleur extrême. Non pas tant pour l'amour de lui, qu'à cause de ses 3 enfants, dont il plaignait la misère dans laquelle ils allaient être réduits par sa mort. Il tâcha encore d'apaiser le génie. Hélas! Daignez avoir pitié de moi en considération de ce que j'ai fait pour vous. Je te l'ai déjà dit, c'est justement pour cette raison que je suis obligé de t'ôter la vie. C'est étrange que vous vouliez absolument rendre le mal pour le bien. Le proverbe dit que, qui fait du bien à celui qui ne le mérite pas, en est toujours mal payé. Je croyais que cela était faux, car en effet, rien ne choque davantage la raison et les droits des gens. Néanmoins, j'éprouve cruellement que cela n'est que trop véritable. Ne perdons pas le temps. Tous tes raisonnements ne sauraient me détourner de mon dessein. À toi de dire comment tu souhaites que je te tue. Puisque je ne saurais éviter la mort, je me soumets à la volonté de Dieu. Mais avant de choisir un genre de mort, je vous conjure, par le grand nom de Dieu qui est gravé sur le sceau du prophète Salomon, fils de David, de me dire la vérité sur une question que j'ai à vous faire. Quand le génie vit qu'on lui faisait une adjuration qui le contraignait de répondre, il trembla en lui-même et dit au pécheur : Demande-moi ce que tu voudras, mais hâte-toi. Je voudrais savoir si vraiment vous étiez dans ce vase. Oseriez-vous en jurer par le grand nom de Dieu ? Oui, je jure par ce grand nom que j'y étais. Cela est très véritable. En bonne foi, je ne puis vous croire. Ce vase ne pourrait pas contenir un de vos pieds seulement. Comment se peut-il que votre corps y ait été renfermé tout entier ? Je te jure pourtant que j'y ai été tel que tu me vois. Est-ce que tu ne me crois pas après le grand serment que j'ai fait ? Non vraiment, dit le pécheur. Je ne vous croirai pas à moins que vous ne fassiez voir la chose. Alors il se fit une dissolution du corps du génie, qui changea en fumée, s'étendit comme auparavant, sur la mer et le rivage, se rassembla ensuite, et commença à rentrer dans le vase, continuant de même par une succession lente et égale, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien au dehors. Il en sortit une voix qui dit au pécheur : Incrédule pécheur, me voici dans le vase, me crois-tu à présent ? Au lieu de répondre, le pécheur prit le couvercle de plomb et ferma promptement le vase. Génie, Demande-moi grâce à ton tour, et choisis de quelle mort je te fasse mourir. Mais non. Il vaut mieux que je te jette à la mer, au même endroit où je t'ai tiré. Ensuite, je ferai bâtir une maison sur ce rivage, et j'y demeurerai, pour avertir tous les pêcheurs qui viendront jeter leurs filets, de bien prendre garde de repêcher un méchant génie comme toi, qui a fait serment de tuer celui qui te mettra en liberté. Le génie irrité fit tous ses efforts pour sortir du vase, mais ce ne lui fut pas possible, car l'empreinte du sceau du prophète Salomon, fils de David, l'en empêchait. Voyant que le pécheur avait l'avantage sur lui, il prit le parti de dissimuler sa colère. « Pécheur, dit-il d'un ton adouci, garde-toi bien de faire ce que tu dis. Ce que j'ai fait n'a été que par plaisanterie. Tu ne dois pas prendre la chose sérieusement. Au génie qui était, il n'y a qu'un moment, le plus grand, et qui est, à l'heure qu'il est, le plus petit de tous les génies. Apprends que ton art de parler ne te servira de rien. Tu retourneras à la mer. Si tu y as demeuré tout le temps que tu m'as dit, tu pourras bien y demeurer jusqu'au jour du jugement. Je t'ai prié, au nom de Dieu, de ne pas m'ôter la vie. Et tu as rejeté mes prières. Je dois te rendre l'appareil. Le génie n'épargna rien pour tâcher de toucher le pécheur. Ouvre le vase, donne-moi la liberté, je t'en supplie. Je te promets que tu seras content de moi. Tu n'es qu'un traître. Je mériterais de perdre la vie, si j'avais l'imprudence de me fier à toi.